What's house music to me? Well, let's just say it's definitely not a fantasy. It's definitely not a figment of my imagination. You see, it's real. House is a feeling. We'll be right back.

not gonna stand here and pretend it's alright. It's alright. I believe the truth is just much better than a lie. Better than a lie. I get on it. crowd.

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia. Mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Voilà, vous avez une première partie house, pure house. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir, en tout cas. J'aime bien ce son. Des fois un petit peu funky, des fois un petit peu disco, des fois un petit peu électronique. En tout cas, c'est de la house underground. Pour le son de l'underground, vous êtes bien sûr Radio Méditerranée Var, la seule radio qui a l'ouverture d'esprit de vous mettre en live, en direct à cette heure-là, du son un petit peu différent. Quoi vous dire, on va enchaîner avec un mix que j'appelle Deep Raving. Vous pouvez retrouver tous mes mix d'ailleurs sur mon blog. J'ai un blog avec une centaine de mix classés par catégorie. Il y a un peu de tout, du hip-hop, un petit peu, hein, pas beaucoup. Il y a du hip-hop, mais il y a aussi de la house, il y a de la tech house, il y a de la deep house, il y a de la techno, il y a de la progressive. Il y a mes collections Afterwork, Deep Raving, Another House, Vocal Super Lounge, il y a du funk, il y a du disco, du nu disco, du nu funk, enfin tout est classé suivant les goûts. Vous avez une centaine de mix à porter, vous avez juste sur Google et vous me googlez, vous tapez Cominatia mix et vous tombez sur ce blog qui réunit tout. C'est aussi inscrit sur ma page Facebook pour ceux qui me suivent sur Facebook. Quoi vous dire, le 21 mars, mais c'est pas tout de suite, l'association Mirabel, à travers David R, qui fait une soirée Deep House, il va mixer donc au Cozy, à Fréjus. Je vous conseille donc de réserver déjà si vous voulez avoir de la place. Il n'y a pas trop de place, je pense, par rapport à ce qu'il va y avoir comme soirée. Je pense que ça va être plein, donc n'hésitez pas à réserver. Quant à moi, quoi vous dire, il n'y a pas grand chose en ce moment, pas grand chose de news. On est en train de bosser sur un gros projet, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ouvrez vos oreilles, ouvrez bien vos oreilles pour un projet qui s'appelle Sudtronic et qui va concerner donc la musique électronique du Sud, et ça se passera à Roquebrune. Ça se passera, je peux vous déjà dire, le 27 et le 28 juin. Mais bon, bientôt on aura un peu de com, on vous donnera l'endroit précis, les dates sont fixes, le nom du festival aussi. Et au fur et à mesure que nous avons les confirmations des artistes et les contrats signés, on pourra donc communiquer sur le line-up. Mais en tout cas, il faut s'attendre à du lourd. Un festival sur deux jours, un samedi dimanche, avec vraiment un beau line-up, avec un bel endroit, vraiment un bon moment, juste avant le début de l'été, pour pouvoir se mettre à jour et voir vos artistes préférés locaux dans de bonnes conditions, bien entourés avec du très bon son. On a rentré vraiment un très bon son ici, de l'Electro Voice pour ceux qui connaissent. Donc voilà, quoi, que des bonnes nouvelles. Écoutez, on va se taper ce Deep Raving. Je vous en avais fait un il y a deux semaines et on peut dire que c'était, on va dire, la première partie de ce qui va se passer là. Là, bon, âme sensible, s'abstenir, hein, parce que ça va pas être non plus de la gnognotte. On va quand même taper un peu fort. On va commencer là tout de suite et puis ça va monter crescendo, vous allez voir. Mais en tout cas, on n'est plus sur le même registre. On va être quelque chose de plus rapproché de la techno, plus rapproché du festival Sudtronic qui va quand même englober de la house en journée. Mais le soir et la nuit, ça va taper un peu plus fort. Donc eh bien, écoutez, j'arrête de vous informer trop par rapport à ce Sudtronic et je vais plutôt faire tourner les platines, ce que je sais faire mieux, je pense, que parler au micro. Mais bon, ça viendra, hein, on s'entraîne. Allez, à tout à l'heure.

defenses have been neutralized. Attention all raiders. Regroup and concentrate. Attack.

Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Eh bien, l'émission Le Son de l'Underground du 27 février touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai promis qu'il y avait un mix Deep Raving qui allait envoyer du lourd. Je pense que c'est fait. Voilà, vous avez une petite idée comme ça de ce que c'est de la vraie techno. Il y a des choses qui frappent encore plus. Mais bon, déjà, vous avez une petite idée de la vraie liberté musicale de la techno, malgré ce qu'on pense. C'est pas du tout du tchim-poum, tchim-poum, pas du tout, quoi. Il y avait des morceaux à un moment donné, piano digne du jazz. Je sais pas si vous avez noté. En tout cas, c'est fini pour cette semaine. On va prendre rendez-vous semaine prochaine, jeudi 17h, pour un autre son de l'underground avec un autre thème. Ce coup-ci, je pense que j'aurai quelque chose de plus souple pour faire plaisir à tout le monde. Mais bon, je pensais qu'il fallait mettre un petit jalon, surtout à l'approche de ce premier festival Sudtronic qui aura lieu à Roquebrune. Mais on en parlera un petit peu plus 27 et 28 juin. Voilà, avec des vrais DJ techno, des vrais live techno. Voilà, si vous voulez écouter vraiment quelque chose de différent, c'est là que ça se passera, dans un cadre magnifique en plein air sur deux jours. En tout cas, cette semaine c'est terminé. Le rendez-vous le plus proche, c'est pas tout de suite, mais je vous rappelle de toute façon, je vous le dirai à chaque émission, le 21 mars au COSY avec mon pote David R qui, à travers l'association Mirabel, se produira pour de la Deep House, toujours en vinyle, un puriste. Donc voilà, vous pouvez déjà téléphoner, réserver votre place. Je pense que ça sera vraiment une soirée de bon goût musical. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée déjà sur Radio Méditerranée Var. Voilà, avec la playlist, tranquille, de la funk des années 80-90. Ça va changer un petit peu, on va pouvoir un petit peu se reposer après ce tchim-poum, tchim-poum. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.